quand j'ai perdu ma route. Le cœur à bout de foi, la voix qui s'essouffle. Reste là. Et puis passe les doutes. Je vais pisser tout au fond de moi. Et je me répète encore. Ne laisse pas tomber, tomber, tomber. Et puis la vie vaut de l'or. Je n'oublie jamais, jamais, jamais. Tu sais. Sera mieux qu'aujourd'hui.